familial. La gâteuse historique qui s'est prédisée, mais celle pensée, la louche imposterie, l'assassin d'Ibérie et ordre philistère. Je les conchine, conchine, les recrache, avant tout, je suis allergique à tout. Des cheveux, mon amour, des réserves, mon rongeur, des accumulations, mon âme, avant tout. Je suis allergique à tout.